as-tu dormi? Devine. Pauvre Biquet. Moi, j'ai fait un cauchemar. Ah bon? J'ai rêvé que j'étais sur le marchepied d'un train qui entrait dans un tunnel très étroit. Au moment où j'allais être écrasé contre la poire du train, je me suis réveillée. Eh ben, heureusement, dis donc. Tu avais ton bras sur ma poitrine, ça m'empêchait de respirer. Oui, ah bah, excuse-moi, alors. Tu sens la fraîcheur. Personne n'a appelé, non? Rien entendu. Il va pleuvoir. Non, non, non, je crois pas. Il est tard. 11h. Mais pourquoi me réveilles-tu à l'aube? C'est toi qui m'as demandé de surtout pas oublier. J'avais mis des boules caisses pour plonger plus vite, j'ai passé la nuit à écouter mon cœur battre. Bonjour. Oui, alors? Ah, je suis contente. Tu penses, je vais lui dire tout de suite. Anxieux. Vous avez trouvé un taxi? Pourquoi? Téléphone au docteur Jacob, ça sera plus prudent. Tu me passes? Allô, papa, c'est Nizou. Comment tu vas? Tu as dormi? Quand? Tu le dis au docteur, tu n'oublies pas. L'important, c'est toi. Tu iras une autre fois, c'est pas grave. On ira ensemble, tous les deux. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'aime. Très fort. Alicia? Mon papa s'est levé ce matin, il a encore eu un vertige. Ah. Il a dû se redresser trop brusquement, non? Bon, c'était ta mère. Oui. Alors? Elle a beaucoup aimé. Il est dégueulasse ce café. C'est le même mélange que d'habitude, ça? J'imagine. Ça doit être l'eau qui saloperie qui fout. Oui, nous finirons tous pourris à l'intérieur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Papa? Il est resté à la maison. Pourquoi? Une migraine affreuse. Ah oui. Il est désolé, le pauvre. Ah oui, c'est dommage, oui. Ah non, moi je préfère. Avec cette cohue, cette chaleur, il n'aurait pas supporté. Mmh. Il faut absolument qu'il aille voir un médecin, qu'on lui fasse des examens. Et qu'on lui interdise de fumer. Moi, depuis que j'ai arrêté... Deux mois. Oui, eh bien je ne peux plus supporter. Bon. D'abord, ça sent mauvais, c'est vrai. Oui. Et puis ce geste infantile. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à têter leur mort? Et ta mère, ça lui a plu, alors? Beaucoup. Vraiment? Oui, non, elle n'est pas venue en coulisses, quoi. Bon, enfin... Il avait trop de monde, qu'elle voulait rentrer vite. Papa n'aime pas qu'elle sorte seule le soir. Il a peur des agressions de vieille dame. C'est ce qui le tourmente le plus. Pas pouvoir la protéger, se sentir inutile. Un vieux lion déplumé devant sa télévision. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, exactement? Qu'elle avait passé une très belle soirée. C'est tout? C'est beaucoup. Bon. Il n'y a pas de lait, non? Du lait? Mais tu en bois jamais? Mais non, c'est pour ôter ce... Là, non, mais ça fait rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de lait. Non, enfin, moi, il me semble que quand on aime les choses, on a envie d'en parler, d'expliquer pourquoi, d'entrer dans le détail. Enfin, tu connais maman et mettre une opinion personnelle. Bien. Excuse-la, elle aime, point final. Bon, espérons que j'en aurai d'autres et des opinions plus prolixes. Nina, rien à l'horizon, non? La joie de notre âge mûr, pas de coup de fil, pas de télégramme, pas la moindre pensée pour son petit papa chéri. Apparemment. Très bien. D'où sort cette queue de zèbre? Un cadeau de ton directeur. J'en pense jamais. Mon directeur, c'est mieux de s'occuper de la publicité, mon directeur. J'ai jeté un coup d'œil aux journaux hier, on n'était même pas dans les programmes. Mais un soir de première, c'est normal. Ça est dans le métro, t'as vu des affiches, là? Et le colonne Maurice, tu les as vues? Elles sont affreuses, d'ailleurs. affreuse. Hein, le comble du chic. La pub abstraite. Un graphisme super moderne et le tout parfaitement illisible. Hein. Moi, pas coupable. Bon, oui. Ma coxie. Bon, alors. Voilà, écoute, allez. Hein, inutile de tourner autour du pot plus longtemps. L'instant fatidique est arrivé. Tu vas me dire ce que toi, tu penses. Hein. Je te l'ai déjà dit. Oui. J'ai pas arrêté de te le dire. Mais on n'en a pas tellement parlé, non? Ah non, pas tellement, non. On en a juste un peu parlé au théâtre, dans le taxi qui nous ramenait à la maison, en grignotant le reste de vos froids, pendant que je me lavais les dents, tu m'avais suivi dans la salle de bain. Je me suis couché et là, je l'avoue, j'ai sombré. Oui, ça plus personne, hein. Ça finit, out. Je me suis retrouvé seul comme au premier jour de la création. Après toutes ces émotions? Oui, parce que j'en ai pas eu des émotions, ben, elle est bonne celle-ci. Mais t'étais pas dans la salle. Mais j'aurais jamais pu m'y supporter. Mais d'une quelle horreur. Être là au milieu de tous ces gens, spectateurs de ma propre pièce. T'as déjà vu un taureau assis dans les gradins, toi? Un taureau? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais écoute-toi, c'est pas pareil. Hein? Et puis qui m'aurait raconté? Qui m'aurait dit la vérité? Allez, tu me dis tout, tu me caches rien, tu ne me laisses rien passer, tu me le jures, hein? Sur ta tête. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi? Le courrier! Regarde ce que... Ah bah t'as soif toi. Allez Oust, dans l'évier. L'ambassade de France à Copenhague, tu veux lire? Oui, non merci, sans façon, merci. Pour savoir si tu es toujours d'accord entre le 15 et le 22 février, la semaine de la création française. Ça serait pas désagréable, un petit voyage ensemble? Oui. Tu te souviens quand on avait été à Brno? J'adore les Tchèques. Oui, les Slovaques. À Brno, ce sont les Slovaques. Mais j'adore les Slovaques. Oui, oui, oui. Laura, des tas de spécialistes du théâtre, pas ceux qui en causent, qui en colloquent, qui en table ronde. Mais qu'est-ce que j'irais foutre? Qu'est-ce que j'irais foutre à Copenhague? En février, il doit faire un froid de canard. Mais j'emporterai ma fourrure. Bon, écoute, je sais pas quelle langue ils parlent, je sais même pas où c'est, voilà. Hein? En haut, à droite. Mais bon, je n'ai rien à leur dire, hein, voilà. Exit. Copenhague? Oui, exit. Alors. La fin dans le monde. Alors. Sur 1 milliard d'enfants, le quart est mal nourri. 250 millions. Bon. J'arrive pas à l'imaginer, toi. Hein, je sais pas, je crois pas. Non, je crois pas. Sur 120 millions de nouveau-nés, 10 millions seront morts. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Le renvoyer du lait en poudre. Oui, mais est-ce qu'il arrivera? Bon, écoute, Denise, non. Je sais, c'est affreux. C'est une tragédie, c'est la honte de l'humanité. Mais enfin, ça peut attendre 24 heures, hein? On peut en reparler demain, hein? Je suis désolé, je n'ai pas la tête à la fin dans le monde aujourd'hui. Excuse-moi! Je sais ce que tu penses, hein? Non, mais je sais. Un enfant qui meurt de faim, c'est plus important qu'une pièce de théâtre. C'est ça? Eh bien, permets-moi de te le dire, ton raisonnement est stupide. Stupide! Hein? Ça n'est pas plus important, c'est autre chose. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si tu disais, parce que les paysans bouffaient des racines, Corneille n'aurait jamais dû écrire Lucide. Hein? Mais quoi? Faire racine, Corneille. Bon, alors quoi? Tu ne m'as pas répondu. Ça s'est passé on ne peut mieux. C'est-à-dire? Comme la veille, aussi bien. Alors pourquoi la veille, ils étaient ravis? Et hier soir, il tirait sa gueule de faire part. Hein? Je ne leur demande pas de danser le Charleston. Je suis enchanté qu'il soit ému, c'est fait pour. Enfin, là, c'était carrément des condoléances. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre en coulisses, d'abord? Avec des tronches, pareil, il ferait mieux de rester chez eux. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on les invite, ces gens-là. À chaque première, ils sont là, toujours les mêmes, ils connaissent rien, ils parlent de tout, ils flairent la salle. C'est bon, c'est pas bon, je sais pas si c'est bon. Non! Ils emboîtent le pas. Enfin, écoute, Charles, tu te rends pas compte que ta pièce dérange? Bon, oui. On en sort ému, on se sent coupable. Oui. On n'a pas envie de bavarder. Bon. Les rares personnes avec lesquelles j'ai échangé quelques mots semblaient impressionnées. Bah ça évidemment, bah évidemment. Elles n'allaient pas t'aborder en te disant qu'est-ce qui lui a pris d'écrire cette merde, hein. Ça leur coûte rien de te mentir, ça te fait tellement plaisir. Mais pourquoi décider a priori que les gens vous mentent? Ça serait pas plus simple de les croire? Mais un compliment, ça ne se reçoit pas comme ça, naïvement, hein. Faut l'interpréter, faut le déchiffrer. Moi, je me souviens de chacun d'entre eux. Chacun qui m'a dit quoi, pour quelle pièce, sur quel ton, ils sont là, là, tous, tous. Les plus beaux, les muets, les sans phrases. Une gorge serrée, des larmes plein les yeux, ça, c'est le bonheur, ça. Il y en a, on dirait des vacheries, tellement c'est bête. Mais c'est charmant. Tout à fait le genre de pièce que j'écrirais si j'avais le temps. C'est charmant. Mais on me l'a dit. On me l'a dit. Parole. On me l'a dit. Et puis enfin, et surtout. Surtout le compliment par charité chrétienne. Hein? Enfin, ou par lâcheté, si tu préfères. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais de quoi je veux bien pouvoir leur parler? Le décor est affreux, la mise en scène est nulle, les acteurs sont à chier. Mais cette pièce est une merde, mais c'est une épouvantable merde. Et ils savent que je suis dans la salle, je peux pas ne pas y aller, sinon ils vont croire que j'ai pas aimé. D'ailleurs, c'est vrai, j'aime pas. Mais enfin, je peux pas leur dire ça un soir de première, ça serait pas délicat. Bon, alors on cherche. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Alors, mon vieux! Alors, tu dois être content, là, dis donc, oh là là! Alors, t'es content? Et alors? Eh ben, alors, il est content. C'est vraiment une fripouille. Ouais. Et voilà. Et une fois de plus, on s'en est tiré, on n'a rien dit, rien, ni bien ni mal, des mots ou du vent. Et tout le monde est ravi, quoi. Hein? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? De qui? De quand? Tu étais dans ton trou caché au fond d'une loge, la porte fermée. Moi, j'ai vu Gérard. Il était tellement ému qu'il pouvait à peine parler. Oui, enfin, Gérard, quand son chat est mort, il a pris le deuil pendant 6 mois. Ben, n'empêche qu'il était bouleversé. Quand j'en ai croisé qui m'ont salué d'un air entendu en murmurant des borborines. J'ai rien compris. Donc, tu as fumé comme un rat en m'entraînant dans ton sillage. Oui, j'en pouvais plus. Alors, comment sais-tu ce qu'ils ont dit? Mais je me fous de ce qu'ils ont dit. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est ce que j'ai senti, moi. Moi! J'ai cette peur, là. Partout. Bah, et la peur du metteur en scène, des acteurs, de la femme de l'auteur? Oui, bon, écoute, la mienne me suffit, voilà, merci. Hein. Les lumières s'éteignent, les conversations s'arrêtent, le rideau s'ouvre. Il n'y a plus rien à faire qu'à être jugé, la pièce commence. Tout me semble mauvais, rien ne passe, je regarde, j'écoute, c'est moi qui ai écrit ça. Je sens rien, je vois plus rien. Ces mots, ces gestes, ces silences qui voulaient dire tant de choses, et là ce soir-là, c'est comme un match de tennis où toutes les balles tomberaient dans le filet. Enfin, jusqu'à hier, tu y croyais? Oui, bah, comme dans certaines maladies, voilà, celui qui va mourir est le seul à ignorer l'issue fatale. Mais tu n'étais pas le seul à y croire. Non, bah, alors c'était un aveuglement collectif. Voilà, dans l'enthousiasme général, nous piquions droit sur les récifs. Et tu avais besoin de l'écrire, oui, c'est clair. Tu sais, c'est pas parce que j'ai eu besoin de l'écrire qu'elle est bonne. Hein. C'est la quatrième. Pardon? Tartine. Et alors? Bah, ton cholestérol. Bah, il attend encore. Hein, voilà. Non! Bon, écoute, non, hein? Ah, merci. Derrière mes tartines, je me sens à l'abri. Voilà. Insubmersible. Tout de même bizarre que personne n'appelle. Hein. Un lendemain de première, ouais. Ce désert de silence ne présage rien de bon. Mais enfin, ils savent que tu t'es couché tard, ils veulent pas te déranger. Ça me rappelle quelque chose, moi, pas toi? Non, quoi? Une pièce en costume qui se passe à Venise. Les Foscari? Oui, les Foscari. Ah, mais non, pour les Foscari, on l'a su tout de suite. Qu'est-ce qu'on a su? Ben. Quoi? que c'était un échec. Ah, mais pas du tout. Tu m'as tenu le même raisonnement. C'est une pièce qui les trouble, ils n'ont pas envie d'en parler, ils ne veulent pas t'importuner. Hein. Alors ça, je dois reconnaître honnêtement, d'ailleurs, qu'ils ne m'ont pas importuné le moins du monde. Hein. Ils n'ont importuné personne, d'ailleurs. Hein. Ni la caissière, ni les ouvreuses, ni les acteurs sont restés tranquillement chez eux et le théâtre a fermé au bout de 30 jours. Hein. Ça n'a aucun rapport, c'est une pièce à... Une pièce quoi? Quoi? À thèse, un peu bavarde. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai mis du temps à l'admettre, mais c'était une pièce sans âme, ratée, sans âme. Quoi. Le contraire de celle-ci. Allô? Non, monsieur, nous ne faisons pas restaurant. Voilà, tu ne fais pas restaurant. Si. Non, monsieur, je ne suis pas la Traviata. Voilà, c'est une erreur. Au revoir, monsieur. Bon, tu as appelé les réclamations? Trois fois, ils cherchent d'où ça vient. Bon, alors Nina ne s'est pas manifestée, quoi, hein? Pas à ma connaissance. Bon, nous croulons sous les attentions. Elle a un examen la semaine prochaine. C'est ça, le mien était hier soir, voilà, merci. Ah, c'est sympathique, les enfants, c'est sympathique, on peut crever la gueule ouverte. Hein. Ils ont leurs amis, leurs amants, leur petite vie bien organisée, on n'existe pas, oui. Ah si, pardon, en cas de pépin. Alors là, on se souvient de ces vieux croutons oubliés derrière leur mâle, on l'invite à leur demander un coup de main, et puis hop, on disparaît, hein. Ça y est, ouais. Tu l'as craché, ta bile? C'est pas de la bile, c'est du chagrin, elle me sent orphelin. Nous n'avons pas élevé Nina pour qu'elle nous tienne la main et soit la première. Nous l'avons élevée pour qu'elle vive sa vie où elle veut, comme elle veut. Et si elle me demande de l'aider, tant mieux, je suis là pour ça. Mais toi, tu es une mère admirable, toi. Alors quand elle pense qu'un jour sans se manifester, c'est une fille indigne, mais quand j'appelle maman tous les matins, c'est un attachement névrotique. Oui, écoute, si le coup de fil dure 2 heures et que j'ai besoin du téléphone, oui. Ah. Mais Nina a des gens de chez sa grand-mère, tu pourras prendre ses nouvelles. Oui, bah, écoute, ce serait plutôt à elle de prendre des miennes, non, tu crois pas, non? Ah oui, bonjour. Bonjour, oui. Écoutez, alors... Écoutez, alors là, vraiment, vous me... Oui. Oh, écoutez, vous me faites un grand plaisir. Laisse-moi tasse. Oui. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Oh, bah, écoutez, vraiment, je... Ah oui. Oui. Ah bon? Bon, oui, non, mais il n'était pas très expansif, mais enfin, de là... Oui. Oui, non, mais c'est bien. Oui, enfin, vous savez, mais difficile d'être à la fois dehors et dedans, je suis pas très bon juge. Non, mais c'est bien. Mais ils n'en font qu'à leur tête. C'est pourtant une règle absolue, ça, évidemment, quand on ne voit pas, on n'entend pas, bien sûr. Je sais bien, enfin... Bah, écoutez, je vais essayer, mais enfin, vous savez, j'ai peu d'espoir, vous les connaissez, du moment que le décor est bien éclairé... Bien. Mais avec joie. Voilà, on laisse passer quelques jours et on se rappelle, voilà. Merci d'avoir appelé, merci infiniment. Hein. Au revoir. Le directeur du théâtre de Lausanne. Il a aimé? Énormément. Ah, tu vois. C'est un Suisse. Quand est-ce qu'il est venu? Il est venu hier. Il a trouvé le public épouvantable. Il n'a jamais vu un public pareil, aussi borné. C'est même demandé s'il n'y avait pas dans la salle des gens qui... Qui quoi? Bah, qui quoi? Décider d'avance à détester. Mais c'est stupide. Bah oui, il n'y a qu'un sujet pareil, tout est possible. Moi aussi, j'ai senti quelque chose de bizarre. Moi aussi, pas une réaction, rien. Comme si c'était donné le mot. Alors que la veille... Mais enfin, la veille, c'était les parents, les copains, on ne peut pas juger. Non, mais toi, comment tu as trouvé, toi? Hein? Moi? Oui, toi. J'ai pleuré. C'est vrai? Au moment de la séparation. Oui. Il ouvre la porte, il se retourne, il revient vers elle. Et là, il lui a caressé le visage, comme pour se souvenir de chacun de ses traits. Lentement. Oui. À la manière d'un aveugle. Il l'avait jamais fait, ça. Hein? Avec une pudeur. C'était beau. Ça m'a rappelé, ça n'a aucun rapport. Un jour de départ en vacances, j'avais 12 ans, le salon était rempli de bagages. Je jouais au ballon contre le mur, petit rouleau, grand rouleau, et je suis tombée sur la serrure d'une valise ouverte, je me suis blessée, j'ai saigné, et papa me caressait le visage avec ce même geste tendre. Pleure pas, Manizou, pleure pas. Puis Le médecin est arrivé, il a dit que c'était pas grave, mais que l'hymen était déchiré. Et voilà comment j'ai perdu ma virginité. Avec une valise. Oui, alors, tu as trouvé ça beau, alors, hein? Très! Vraiment! Eh ben alors, c'est que le public était mauvais, qu'est-ce que tu veux te dire? Bon, enfin, la représentation peut être sublime, mais une fraction du public ne pas marché. On n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement. Mais qu'est-ce que tu es en train d'essayer de m'expliquer exactement, là? Qu'une fraction du public a trouvé le spectacle à chier, c'est ça? Mais tu me fais dire n'importe quoi! Tu as des raisonnements tellement tordus! Tu me caches des choses, hein? Mais quelles choses? Non, mais je sais pas, je sens que tu me dis pas tout. Denis, je t'en supplie. Dis-moi la vérité, j'en ai besoin. Hein, tu es la seule en qui j'ai confiance. Tu peux tout me dire, toi. Tout. Alors, vas-y. Vas-y, parle! Mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Mais ça n'arrête pas! Oh, pitié! Mon Dieu, je vous avais complètement oublié! Vous ne pourriez pas revenir demain? Non, c'est impossible. Je vais donner ma réponse tout à l'heure. J'en ai vraiment pour une seconde. Bah, je vous en prie, entrez! Ne pas vous faire manger, hein, c'est pas dans mon habitude. Ce monsieur m'avait demandé s'il pourrait nous parler en fin de matinée. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais il fallait que je vous dise deux mots. Oui, je vous en prie, oui. Asseyez-vous. Vous êtes trop aimable. Je ne veux pas vous déranger, hein. Je me fais passer, bien sûr. Ce ne sera pas long. Pardon, monsieur, c'est à quel sujet je... Les sanitaires. Les sanitaires? Les sanitaires. Quels sanitaires? Mes sanitaires, à moi. C'est-à-dire que j'ai des problèmes avec ma tuyauterie. Oui. Ben oui, vous connaissez l'immeuble, mais t'envoies des réparations là-dedans, parce que ça va vous tirer de l'argent, ils sont évidemment toujours d'accord. Hein? Oui, écoutez, monsieur, je nage un peu, là. Qu'est-ce que je viens faire dans vos sanitaires, moi? J'arrive, voilà. J'ai des problèmes avec... mes eaux usées. Des problèmes d'écoulement. C'est-à-dire que la tuyauterie est pourrie, si vous voyez ce que je veux dire. Alors voilà, d'après le plombier, il n'y a qu'une solution, le faire passer chez vous. Qui ça? Le tuyau. Le tuyau? Quel tuyau? Mon tuyau. Mais pourquoi chez moi? Mais parce que votre salle de bain, monsieur, elle est juste en dessous. Alors, non, là c'est votre chambre, n'est-ce pas? Voilà, la salle de bain. Mais remarquez, ça ne se verrait pas beaucoup, hein? Et puis, dites-moi, j'ai jeté un coup d'œil en entrant. Oui, on a vu les tuyaux, oui. Regardez, c'est pas ça qui manque quand même, hein? Alors là, nous étions dans la cuisine. Dans la cuisine, oui. Alors, il le ferait passer au plafond, n'est-ce pas? Pas un gros, bien sûr, un moyen. Oui, mais pourquoi faire? Ben, pour amener mes eaux usées. Mais qu'est-ce que j'en ferais avec vos eaux usées? Ah non, mais elles s'en iraient avec les vôtres, hein, évidemment. Tout ça, ça part avec le reste, aucun problème. Il ne faut surtout pas vous faire de soucis, et puis tout sera payé, le plombier, la peinture, enfin tout. Enfin, pourquoi voulez-vous que je laisse entrer chez moi vos eaux usées? Mais ne ferait que passer, monsieur. Enfin, là-haut, près du plafond. Écoutez, c'est un service que je vous demande, hein. Entre voisins. Et puis le plombier dit qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais je rêve, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais même pas votre nom. Le jeune. Bernard, le jeune. On a emménagé il n'y a pas une semaine. Hein. Ah oui. Oh, c'était impeccable. Première neuf, tout ma femme aux anges. Et puis voilà, j'ai tiré sur l'œil. Bah, c'est la foutue. Mais je ne sais rien de vous, monsieur. Je ne sais rien de vous. Représentant, t-shirt, sweatshirt, polo, jogging. Oui. Je peux même vous faire des prix. Très bien, très bien, très bien. Parfait. J'aimerais néanmoins comprendre pourquoi, pour quelle raison au monde je devrais me préoccuper du problème de vos eaux sales. Disons, si, elles sont sales, hein, n'ayons pas peur des mots. Alors, pourquoi les miennes me suffisent? Pourquoi voulez-vous que j'adopte les vôtres, monsieur? Elle ne ferait que passer, monsieur. Mais on dit ça. Bon, écoutez, monsieur, excusez-moi, je suis très occupé, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai pas envie de me coller votre problème, j'ai plus en plus. Prenez le temps d'y réfléchir. De toutes les façons, le plombier doit me téléphoner pour qu'il donne la réponse. Je suis occupé. Alors, cessez ainsi, monsieur, si vous aviez une minute, pensez-y. C'est ça, d'accord. Je vais y penser. D'ailleurs, j'y pense tout de suite. Voilà, ça y est, j'y ai pensé. C'est le voilà. Merci. Mais attendez, monsieur. C'est pas qu'une excuse et puis bonne journée, monsieur. Si des fois votre mari changeait d'avis, le plombier vous expliquera mieux pour la situation, madame. Aujourd'hui. Merci. Mais obligé, mon truc. Ce que j'aime chez toi, c'est ton infinie délicatesse. Bah quoi qu'est-ce que j'ai fait encore, hein? Ce pauvre bonhomme vient de demander un petit service de rien du tout. C'est ça, parce que ça te ferait plaisir d'avoir son tuyau dans ta salle de bain. Alors je n'avais pas compris, excuse-moi. Il ne s'agit pas de son tuyau, je me fous de son tuyau. Il s'agit de toi. Oui. Tu lui as parlé sur un ton. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça va être de ma faute. Mais c'est extraordinaire, c'est insensé. Ce monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, qui vient me demander de prendre en charge ses eaux usées. Mais je suis pas inquiet pour toi, moi. Hein? Et s'il ne peut pas faire autrement? Eh ben, ça me regarde. Je viens pas l'emmener avec tes problèmes, moi. Enfin, quoi, c'est vrai. Je me fais un sang d'encre. Je suis noué comme une cravate. Et le voilà qui vient me pomper l'air avec son tuyau. Mais les gens sont incroyables, obsédés par leurs petites histoires, là. Enfermés sur leur nombril. Voilà, bon, enfin, tu crois qu'ils n'ont pas aimé, quoi, alors, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dit ça. Bon, avec qui as-tu parlé? Mais personne! J'ai pas ouvert la bouche, j'ai pas bougé de ma place. J'ai attendu que tout le monde soit sorti pour pouvoir me lever. Une situation qui n'a rien de particulièrement plaisant, je t'assure. Denise, on va pas le jouer. À qui de nous deux se trouve dans la situation la moins plaisante, c'est enfantin. Toi, tu souffres par sympathie, et je te remercie, et je t'aime. Je t'aime tendrement. Moi, c'est ma pièce qui se joue, tu comprends? Ma pièce, ma vie. J'ai voulu qu'elle soit connue, cette histoire, que d'autres l'entendent. Et j'ai essayé de la raconter au plus près, au plus vrai. Hier soir, je me suis retrouvé assis dans le noir, la tête entre les mains. J'entendais ces mots, ces phrases, ces paroles. Elle m'était devenue étrangère. Mais qu'est-ce que tu as? Je sais pas. J'ai le cœur qui bat, je sais pas. Heureusement! C'est désagréable. Tu sais. Mais tu fais peut-être de la tachycardie. Ça va mieux? Comment j'appelle un médecin? Bah oui, c'est ça. Pourquoi pas un prêtre pendant qu'on y est? Allonge-toi. Non, mais je t'embête, je sais bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, je t'embête, je vois bien. J'arrête pas de t'embêter avec mes histoires. Aujourd'hui, tu as tous les dons. Tu m'as pas répondu tout à l'heure, hein? Tout à l'heure. Je t'ai demandé de me dire la vérité, tout entière, hein? C'est pas facile. Oui, je sais. Bon, alors. J'ai senti très vaguement quelque chose, mais je peux me tromper. Bon, qu'est-ce que tu as senti? Comme une légère baisse de la tension. Et voilà! Rien à voir avec une cabale! Bon, écoute, on va tomber dans le délire! Bon, écoute, explique-toi, voilà une heure que j'attends! Enfin, moi, je me sens accusé, tout d'un coup, j'ai rien fait, monsieur, c'est pas moi! Bon, alors? Ils ne faisaient pas la pièce, au contraire, ils étaient pris. Complètement! Et puis j'ai l'impression que ça décrochait. Je dis pas que j'ai raison. Je dis ce que j'ai senti, moi. Bon, d'accord. Alors? C'était formidable, mais... Mais quoi? S'il faut absolument trouver un défaut, oui. Ça serait peut-être un certain ralentissement. À quel moment? Pas la séparation, non. Ça, c'était merveilleux. Avant, quand Franz apprend qu'il est malade, quand il décide de partir. Le noir m'a semblé un peu long, le rythme. S'il gagnait 2 ou 3 secondes, ça serait meilleur, à mon avis. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? De quoi? Ben de quoi? De tout ça, là! Ben toi, alors? Et quand est-ce que j'ai vu une répétition pour la première fois? Je sais pas, il doit y avoir une semaine, j'en sais rien. Ça fait une semaine que je t'en parle! Bon. Tu te souviens pas de ce que tu m'as répondu? Quoi, moi? Que j'étais jalouse de Madeleine! Oui, c'est pas vrai, peut-être, hein? Que je m'imaginais que tu lui faisais du grain, que chaque fois qu'elle apparaissait, je pouvais plus rien supporter. Je t'en prie. Les comédiennes, je les aime de loin. Sauf t'en prie, hein, vraiment. Hein. N'empêche que si vous n'avez pas couché ensemble, c'est pas de ta faute. Oui, bon, écoute. Enfin, la question n'est pas là. Oui, entièrement d'accord. Alors, où est-elle, la question, hein? Ben, c'est difficile à expliquer. Bon, comment l'as-tu trouvée, Madeleine? Objectivement, hein. Objectivement. Oui. Merveilleuse, mais... Mais quoi? Un peu pathétique. Comment ça, petite? Par moment. Oui, non, mais quel moment? Eh bien, je te dis quand Franz décide de partir. Bah, qu'est-ce que tu lui reproches? Il me semble que dans l'émotion, elle manque un peu de retenue. De pudeur. Enfin, écoute, Denise, tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Ils ont vécu leur vie ensemble. Elle sait qu'il va mourir, qu'elle ne le reverra jamais. Mais justement, c'est lui qui va mourir, c'est lui qui s'éloigne. La seule manière dont elle puisse l'aider, c'est en ne rendant pas cette séparation et cette mort encore plus difficile. Je me trompe peut-être, mais il me semble que dans un moment comme celui-là, on est à l'intérieur de l'autre, on s'est oublié, on est pris par son angoisse, par sa souffrance, on n'existe plus. Il n'y a pas de larmes. Si j'ai bien compris ce que tu as ressenti, qui me paraît tout à fait juste d'ailleurs. Elle fout la scène en l'air, quoi. Mais non. Tu viens de le dire. Moi. Bah oui, Madeleine a joué trop pathétique, quoi. Bon. Mais c'est un détail. Mais non, ah non, ça n'est pas un détail, ça. Ça n'est pas un détail. Cette scène est le cœur de la pièce. C'est son moteur. Si Madeleine fait du pathos, ça fout tout en l'air, hein. Voyez, coup de chat, ça fait une demi-heure que tu me demandes mon opinion. Je te dis que c'était très bien. Et c'est vrai, c'était très bien. Ça ne te suffit pas, ce qu'il te faut, ce sont les défauts, les faiblesses. Tu me taraudes pour que je te dise tout. Je réfléchis, je me creuse la cervelle. Et lorsqu'enfin j'arrive à formuler quelques légères réserves tout à fait personnelles, alors là, c'est la catastrophe, c'est loupé, c'est foutu. Moi, je vais te dire, je suis la dernière des imbéciles. Bon, alors écoute, ta pièce est géniale, les acteurs sont sublimes, et ça sera un triomphe. Ça ira comme ça. Bon, je t'ai demandé la vérité, je t'ai pas promis qu'elle me fait plaisir, hein. Enfin, ce sont des détails. Je suis peut-être la seule à les avoir sentis parce que je connais la pièce par cœur. Les gens adorent les larmes, ça leur en fout plein la vie, ils comprennent pas. Comment vous faites pour pleurer? C'est vrai, ça. Comment ils font? Tu la trouves pathétique? Un peu, oui. Elle manque de pudeur. Parfois. Cette gêne que j'ai ressentie, ce malaise, cette presque... peut-être presque honte. Et peut-être tout simplement que le théâtre... C'est du théâtre. Eh... Non, ah non, ah non, ça suffit, là, ça suffit, là. Hein. Bonjour. Bonjour, Michel. Le maître est là? Oui, je ne savais pas qu'on venait. Qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas quoi? Encore habillé. Quoi? Elle devrait être là depuis un quart d'heure. Mais quoi? Qui ça? La journaliste. Oh, merde, merde. Écoute. C'est l'épreuve d'hier qui l'a mis dans cet état? Café? Oui, volontiers. D'ailleurs, peut-être ne peut pas rester avec nous hier soir. Madeleine nous a emmenés dans un petit bistrot martiniquais à Montmartre, très sympathique. Oui. Et lui, il avait des amis qui le cherchaient, disparu. Oui, sans même aller voir les acteurs, pas un mot, rien. Ils sont quand même sentis un petit peu orphelins. Il est persuadé que c'est une catastrophe. Vous savez, une salle bourrée de critiques, très peu d'amis, faut pas s'attendre. Hein. Enfin, ça veut rien dire non plus. Il n'est jamais très détendu, mais... Moi, je dois reconnaître, il se surpasse. Toute la soirée, derrière le décor, là, perché sur sa chaise, comme s'il pondait. Hein. Sourd, aveugle, tout entier occupé par sa peur. Sa dernière pièce l'a traumatisé. Les Foscari, vous ne l'aviez pas vu? Non. Bah, il a mis 6 mois sans remettre. Il nous est rentré nulle part. Il était persuadé que tout le monde disait du mal de lui partout, tout le temps. J'ai dû l'emmener au sport d'hiver, avec l'espoir qu'il se casse une jambe. Ça l'aurait occupé. Pendant les répétitions, il restait tout le temps assis au fond de la salle, sans bouger. Parfois, la porte se refermait, il était sorti. Alors, protestation muette, soudaine envie de pisser, allez savoir. S'il a encore un échec, il n'écrira plus. pour le théâtre. Mais j'avais vu une pièce de lui au théâtre de Poche Montparnasse, très jolie, demain la veille. C'est, ça, ça a marché, ça. Mais plus légère, plus poétique, oui. Pas les grands problèmes. Permettez, j'en ai pour une seconde. Je vous en prie, faites comme chez vous. Allô ? Oui, merci. Rombifolia. Très. Alors, comment ça va ? Ah bon ? Tu as le docteur Jacob ? L'hospitaliser, mais pourquoi ? Oui, peut-être. En fin d'après-midi. J'essaierai de passer. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Rien de grave ? Depuis quelque temps, mon père se plaint de migraines, de vertiges, on ne comprend pas d'où ça vient. Ils vont sans doute l'hospitaliser pour faire des examens. Je ne trouve pas mes chaussettes. Je le sèche-linge dans la baignoire. Merci. Enlève-le avant de prendre ta douche. Oui, merci, je ne suis pas un débile profond. Merci. Dites-moi, il est au courant pour votre père ? Je ne veux pas trop l'inquiéter en ce moment, il est suffisamment nerveux. Et puis c'est peut-être rien du tout. J'espère. Bon, Denise, dites-moi franchement, vous l'avez trouvé comment cette représentation hier soir ? Moi ? Mais vous me dites tout, hein. Vous ne me cachez rien. J'ai l'habitude. Moi aussi. Moins réussi que je l'espérais, mais j'en espérais tellement. Je me trompe. Et non, non, malheureusement. Je l'ai senti tout de suite. Dès que j'ai entendu Madeleine, la voix un peu coincée, je me suis dit, ça y est. Ça y est ? Le trac. Je croyais que c'était bien d'avoir le trac. Oh. Je croyais que ça donnait de l'énergie. Oh non, ça dépend des acteurs et ça dépend des rôles. Vous savez, quand on se dit que c'est ce soir, là, maintenant, entre 9h et minuit, que tout se décide, il vous vient parfois des idées bizarres. Hein. Oh, vite, vite, une appendicite aiguë, ou le feu dans la fosse d'orchestre, ou une grève surprise des machinistes. Hein. Tout, mais surtout, ne pas jouer. Marie, alors ? On entre en scène, la voix un peu coincée, la bouche sèche, on parle trop vite ou trop lentement. On se voit jouer et on n'arrive plus à se concentrer. C'est comme qui dirait une importance excessive accordée à celui qui regarde par celui qui regardait. Quasiment, oui. Ah, enfin, disons que hier soir, ils n'étaient pas au mieux de leur forme. Enfin, je leur en ai même pas parlé, à quoi bon ? Ils le savent aussi bien que moi. Quel dommage ! Dire que la veille, c'était si bien. Mais oui, mais... Les acteurs ne sont pas des robots. Mais enfin, bon ou mauvais, ils y vont. Il y a tout de même eu des moments merveilleux. Ah, oui. La séparation. Oh, ça c'était magnifique. Et le repas. Vous avez vu le repas, les silences pendant le repas, les regards. Mais jamais ils n'ont été... Restons calmes. Hein, et attendons. Lui, il a le sentiment d'une cabale. Quoi ? Mais non ! Oh non, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Encore pissé sur mes chaussettes ! Mickey ! Oh, merde ! Petite salope ! Elle va se fourrer sous l'armoire maintenant. Tu fais ça pour m'emmerder, hein ? Crois que j'ai pas assez d'ennuis comme ça ? Sors de là immédiatement ! Espèce de chat ! Une gouttière assez banale qui nous offre l'hospitalité. Nous avons été présentés, oui. Alors, regarde, ça. Là, je vais m'en occuper. Bon, merci, tu es gentil, merci. Dis-moi, Charles, je voulais te dire, juste avant que la journaliste n'arrive, oui. J'ai bien écouté la pièce hier soir. Sans blague. Je me demande quand même, tu vois, oui. S'il n'y aurait pas une petite longueur. Tu vas pas me faire le coup des longueurs dans le texte. Hein. Les acteurs prennent des temps d'une plombe entre chaque phrase et c'est l'auteur qui trinque. Merci. Mais. D'abord, c'est trop sombre. Trop sombre ? Mais trop sombre. Oui. À quel moment ? Tout le temps. On voit rien, mon vieux. On voit rien. Et quand on voit rien, on n'entend rien. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur du théâtre de Lausanne. Bon, il t'a appelé. À l'instant. Oui. Pour te dire qu'il avait rien vu, rien entendu. Dis donc, quel homme du monde. Hein? Pas uniquement, non. Oui, mais qu'il avait néanmoins adoré. Oui, en quelque sorte. Oui, il avait amené sa brochure et sa lampe de poche. Mais c'est hilarant. Alors écoute, soyons sérieux, deux minutes quand même. Oui. Donc, quand les gens se planquent, ils baignent rarement dans les kilowatts. C'est ça. Ce petit problème de logique élémentaire qui ne se pose pas pour la première fois au théâtre, j'imagine, peut être résolu par un éclairagiste. Mmh. Voilà, à condition, bien entendu, qu'il soit compétent. Hein? Doudou est un excellent éclairagiste. Ça n'empêche qu'il s'est planté, Doudou. Non, il a fait ce que je lui ai demandé. Oui. D'ailleurs, tout le monde s'extasie devant ses lumières. Mais je me fous, tout le monde, mon Dieu. Je m'en fous. Moi, j'ai écrit une pièce qui raconte une histoire. Alors, c'est cette histoire qui doit passer. Et pas ces effets merdiques de clair-obscur à la Rembrandt. Ah, non, voilà, toi, viens ici. Mais ne la batte pas. Qu'est-ce que tu veux. Mais ne la batte pas. Qu'est-ce que. Mon mumu. Qu'est-ce qu'elle veut te faire, cette méchante femme, mon mumu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça. Ah, excuse-moi. Alors, à ton avis, qu'est-ce que nous cherchons depuis un mois et demi, 8 heures par jour, 6 jours par semaine? Le meilleur moyen de le saboter, ton chef-d'œuvre? Non, mais je dis pas que vous l'avez fait exprès. Je dis que vous êtes trompé, c'est tout. Mais en quoi, mon Dieu? Madeleine fait du pathos. Quoi? Madeleine fait du pathos. Madeleine fait du pathos? Oui, Madeleine fait du pathos, oui. Oui. À quel moment? Quand elle apprend que France va mourir. Quand il décide de partir? Oui. Bah, il n'y a pas de pathos là-dedans, je vois pas. Hein. Non, mais je parle pas de la pièce, là. Je parle pas de la pièce. Il n'y a pas de pathos dans cette pièce. Hein. Donc, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Ça n'est pas un chef-d'œuvre immortel, loin de là. Mais il n'y a pas de pathos dans cette pièce. Mais alors, de quoi tu parles, mon Dieu? De Madeleine. De Madeleine? Mais oui. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête de se mettre à pleurnicher comme ça tout d'un coup? Hein? Mais elle a rien compris, mon Dieu, alors. Cette histoire est vraie. Ces gens ont existé. C'est pas du théâtre, ça. On peut pas jouer ça avec des trémolos dans la voix et des larmes plein ses mouchoirs. Stop scène. D'ailleurs, Jules Renard l'a dit une fois pour toutes, si tu veux que je pleure, ne chiale pas. Hein? C'est toi qui me l'as imposé. Hein? Oh, dis donc, t'es gonflé, toi. Mais qu'est-ce que tu m'as dit quand on est allé la voir au théâtre de Saint-Denis, hein? Enfin, une actrice qui ne joue pas. On comprend chaque mot qu'elle prononce, elle est vraie, elle n'appartient à aucune mode. Bon, alors maintenant, soyons clairs, hein? Madeleine pleurniche, on n'entend rien, on voit rien, et tout est de ma faute, c'est ça? Mais pourquoi tu ne dis pas, tout simplement? Mais il n'y a plus rien à faire, mon vieux, alors à quoi bon? Oui, bah écoute, tu m'attaques, alors je me défends. Hein. Oui. Non, je ne suis pas la Traviata! Ni le Trouvère, ni la Tosca! Au revoir, monsieur! Ça va, oui? Ça va. Bon, alors, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Avant de la répéter ta pièce, nous l'avons lue ensemble plusieurs fois. Oui. Nous nous sommes entendus sur sa signification. Oui. Hein, tu as assisté aux répétitions. Oui. Et chaque fois que tu n'as pas été d'accord, nous en avons parlé. Oui, nous deux. Oui. Nous deux. Mais t'as jamais voulu que j'en parle aux acteurs. Hein? T'as toujours voulu que ça passe par toi. Non, alors, attends. Hein? Alors là, sur un plateau, il n'y a qu'une personne qui commande, sinon c'est le bordel. Hein? Mais t'as qu'à décrire des monologues aussi, hein? Puis alors les mettre en scène et puis les jouer, hein? Mais pourquoi pas? Ce serait tellement plus simple. Et les éclairages? Ça te tente pas les éclairages? C'est passionnant, tu devrais essayer. Oui, c'est ça. Alors le metteur en scène dirige, les acteurs répètent, et l'auteur, il fait quoi, l'auteur? Hein? C'est quand même lui qui a écrit ta pièce, non? Oui, seulement quand le rideau se lève, s'il n'y a pas d'acteur, eh ben il n'y a pas de pièce. Voilà. Madeleine fait du pathos? Oui, ça Madeleine fait du pathos, ça Madeleine fait du pathos, oui, ah, oui. Et pendant les répétitions, tu l'as trouvée comment, Madeleine? Parfaite. Eh bien voilà, tu vois, hier soir, elle a eu envie d'être aimée, d'être plainte, et de pleurer pour faire pleurer, voilà. Bon, c'est peut-être un peu laissé aller. Ben je suis pas fou quand même, hein. Oui. Écoute, Madeleine est juive, hein. Alors la première fois qu'elle vit cette histoire en public, eh bien, elle a du mal à contenir son émotion. Oui, c'est ça, ben alors s'il y a que les juifs qui ont le droit d'être émus, alors... Toi, ton émotion, tu l'as mise dans ta pièce, elle est passée dans tes mots, et Madeleine, elle, l'éprouvera chaque soir. Chaque soir, enfin, Les soirs où elle l'éprouvera. C'est ça, et elle chialera. Mais quoi. Non, ouais. Mais non, je vais aller la voir, je vais lui parler. Elle restera de marbre, rassure-toi. Et ce théâtre, mais ce théâtre. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait le théâtre, hein? Il est très bien, ce mais théâtre. Il est beaucoup trop grand, mon vieux, ce théâtre. Il aurait fallu être plus près des acteurs, les entourer, ressentir leur enfermement, la touche dilue, les sentiments, les situations. Mais il reste rien, rien. Écoute, Charles, hier soir, j'ai pas arrêté de bouger. J'suis allé au fond de l'orchestre, au fond du balcon. Tout passé, je te jure, tout, l'émotion, les mots, tout. Ouais, ça. On n'aurait jamais dû faire venir la critique le soir de la première. Hein, ça. Bah oui, ça. Pas... Ça, si la pièce ne marche pas. Hein, les Français sont antisémites, je sais. Écoute, c'est ça. dis donc, tu vois pas des ronds lumineux qui scintillent, hein? Où ça? Là devant, là. Là, quand je tourne la tête, il se déplace, ça me donne mal au cœur. Non, non, non. Hein? Non mais même quand je ferme les yeux, attends, je vais m'étendre un peu. Là. Excuse-moi parce que là. Tu veux que je ferme les volets, là? Oui, tu veux bien, tu es gentil. Merci. Ouais. Merci. Mais c'est que ça. Tu déjeunes à la maison? Ouais. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Je sais pas, je m'en fous n'importe quoi, j'ai pas faim. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, mais il ne se sent pas très bien, lui. Mais qu'est-ce que tu as? Je somatise. Voilà, tu permets? Mais je t'en prie. Tu veux une aspirine? Oui, tu es gentil, je suis gentil. J'ai comme des vrilles, j'y vrille dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quoi ça? Un sissus rombifolien. Hein? Il a l'air de rien comme ça, hein? Mais si on lui fait la courte échelle, il grimpera jusqu'au plafond. Oui, c'est monsieur le jeune qui va être content, il va pouvoir l'arroser avec ses os, ça. Tu n'aimes pas? Mais j'ai horreur des plantes vertes! Je suis un claustrophobe de la chlorophylle! Je savais pas que c'était à ce point-là! On est déjà envahi de peur, de doute, d'angoisse. Si les plantes s'en mêlent en plus, à quoi peut-on penser pour offrir un truc pareil? Elle va nous bouffer toute notre lumière. Et puis, qui va s'en occuper pendant les vacances, hein? Qui va l'arroser? Voilà. Eh ben, ça fait rien, on partira pas, voilà. On restera là, on pique-niquera sous la plante verte, ça économisera une location. Allez, voilà, allez. Hein. Ah, nom de Dieu. C'est maman qui l'a envoyé pour ta première. La gaffe. Qu'est-ce qu'elle fout, cette journaliste? C'est pas vrai. Ben, elle se déplace pas pour les bides, mon vieux. Oh. Elle se déplace pas. Oh, merci, tu es gentil, merci. Où est l'aspirine, dis-moi, l'aspirine, hein? Oui. Dedans. Tu es gentil, je te remercie. Pauvre maman, elle y croyait te faire plaisir. Mais tu es belle, tu sais. Ils aiment quand on leur parle. Tu vas pas faire de bêtises, hein? Si tu grimpes jusqu'au plafond, tu tournes à gauche et tu redescends. Ah. Alors, Michel, quelle nouvelle? Mais laisse-le tranquille, on vient de s'engueuler, ça suffit. Enfin, on a des échos. Oui, non, écoute, on va pas recommencer. Bah, les copains qui étaient là hier soir ont eu l'air d'aimer. Hein. Ouais. Ah, tu vois? Ben oui, c'est ça. Comment ils s'appellent, tes copains? Feinberg, Blumstein, Schwab, Rosenblum, Blumenthal. Hein? C'est d'un goût exquis. Oui, oui, c'est ça. Le reste du public, environ 677 personnes, est passé à côté d'un chef-d'œuvre. Hein? Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris. Ouais. Ils me demandent à moi si ça a marché. Ah oui, à qui? Alors, aux pompiers de service. Hein? Bah, une pièce comique, c'est facile. Hein? Ils ne rient pas, ils ne viennent pas. Mais alors là, la qualité d'une écoute... Moi, j'ai vu des spectacles où le rideau tombait dans un silence absolu, et des triomphes. Et les critiques? Oui, non, écoute, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Hein. Oui, mais est-ce qu'on a une idée? Non, écoute, on s'était juré qu'on n'en parlerait pas, qu'on les lirait pas, qu'on ferait comme s'ils n'existaient pas. Mais chaque fois, c'est pareil, alors. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des drogués de la volée de bois vert. Hein? Comme si le jugement de la critique avait plus de valeur que celui de n'importe quel spectateur lambda. Hein? Hein? Je collais à chaque spectacle comme des chewing-gums. C'est bon. Hein? Mais qu'est-ce que tu souhaiterais au juste? La clandestinité? Un numéro de code pour rentrer dans la salle, c'est ça? Allô? Ah, c'est toi. Oui. Oui, ben, je suis ravi de t'entendre, oui. Ah oui. Oui, la première était hier soir, oui. Ah oui. Oui. Oui, le travail, bah bien sûr, tu n'arrêtes pas, toi, tu n'arrêtes pas, mais oui, bien sûr. Oui. Oui, tu veux parler à ta mère? Très bien, parfait. C'est Nina, elle veut te parler à toi, personnellement. Au revoir un de ces jours, hein. Bon, tu la prends à côté, s'il te plaît. Tu la prends à côté. Excuse-moi, elle semble nerveuse, elle n'est pas la seule. Prends-la à côté, merci. Ma fille. Tu crois qu'elle m'aurait demandé comment ça s'est passé? Non, non, rien du tout, rien du tout. Ah, c'est pas des sentimentaux, hein, ça, moi. Chacun ses petits problèmes et basta, là, hein. Ouais, ça, je lui demande pas d'être suspendu à ma plume, enfin, de là, ignorer délibérément tout ce que je fais. Enfin, remarque que ce que j'écris l'emmerde, hein, alors c'est son droit. Elle a même pas vu les fausses caries, t'imagines? Je sais bien que ça n'a pas duré longtemps, enfin, quand même. Tu devineras jamais ce qu'elle a choisi, mon vieux. Droit constitutionnel. Pour être bien sûr que papa n'y comprendrait rien. Denise trouve que je suis trop sévère avec elle. Hein. Je suis pas sévère. Pas sévère, j'ai rien à lui dire, elle non plus, d'ailleurs. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle fout, ta journaliste? Ça fait quoi, hein? Bon, Denise, peux-tu avoir la gentillesse de raccrocher? S'il te plaît, prenez rendez-vous. Si vous avez tellement de choses à vous raconter, n'occupez pas la ligne toute la journée, quoi. Hein? Oui, écoute, je sais que tu passes ta vie à téléphoner à la terre entière, mais aujourd'hui, aujourd'hui, arrête un moment, s'il te plaît. Arrête! Charles, quand Nina est arrivée, oui, chez maman. Non, mais, non, mais ça va rien, c'est pas grave, n'en parlons plus. C'est rien, c'est rien. Elle va sûrement nous joindre, c'est pas possible qu'elle se décommande pas, quand même. Pardonne-moi de vous avoir interrompu, tu vas la rappeler tout à l'heure. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu as? Denise. Denise. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? J'aurais jamais dû la faire jouer, cette pièce. Jamais. C'est un sujet trop pénible qui remue trop de remords, de mauvaise conscience. Puis qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ces malheureux juifs, hein? Depuis de quel droit, d'ailleurs, de quoi je me mêle? S'ils me fait agrafer, je ne l'aurais pas volé. Je ne suis même pas sûr d'avoir trouvé le... Non, tout ça manque de force, quoi. De force, de rigueur. Je l'ai senti hier soir. Le début n'est pas mauvais, mais il y a des trous, quoi. Il y a des trous. C'est faible, quoi. T'aurais pu me le dire, j'allais au désastre, hein. T'aurais pu me le dire, toi. Hein. T'aurais pu me le dire, c'était couru d'avance. T'aurais pu me le dire, hein. Mais pourquoi tu l'as monté, cette pièce? Je comprends même pas, bon. Pourquoi tu l'as monté, hein? Si tu savais ce que j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Mais j'en ai par-dessus la tête de tes angoisses. T'es pas tout seul, mon Dieu. On est tous embarqués sur le même bateau. On a tous fait notre boulot le mieux possible. Alors maintenant, repos. Hein? Cette nuit, je lisais les mémoires de Shostakovich. Tu sais, le chef d'orchestre. Tu sais comment Meyerhold a terminé sa carrière? Le metteur en scène au goulag? Non, non, pas sa vie, sa carrière. Non, je sais pas. Non. Staline n'avait jamais rien vu de Meyerhold. Jamais, pas une mise en scène, rien. Alors un jour, il envoie Kaganovitch assister à un de ses spectacles. En plein milieu de la représentation, Kaganovitch se lève et sort de la salle. Alors Meyerhold le suit. Kaganovitch monte dans sa voiture, elle démarre. Meyerhold court derrière la voiture. Et il a couru jusqu'au moment où il est tombé. On est venu l'arrêter en plein milieu d'une répétition. Le lendemain, il était remplacé. Personne n'a posé une question. Pas un journaliste. Pas un acteur. Son nom n'a plus jamais été prononcé publiquement. À croire qu'il n'avait jamais existé. Mais tu vois, Charles, ça, comme critique, c'est radical. La voilà. Quoi? Qui ça? Bah, sans doute la journaliste, non? Allez, oh, voilà, monsieur, bonjour, mademoiselle. Monsieur. Allez-y. Oh, je sais pas comment m'excuser. Je suis complètement désolée. D'accord. Mais... Là, il y a un bout d'un mini, pas possible. Oui. Mais d'abord dès midi. Oui, mais et puis après 11h. Oui. Vous avez marqué midi et j'ai oublié de rectifier. D'accord. Et comme j'étais à l'Odéon. Oui, bah alors justement, oh. Vous êtes ici, on y va. Oui, allez. On est venu dans l'ascenseur. Hein. Oui. Désolée, vraiment. Hein. Et en plus, je suis idiot, j'ai laissé mon carnet à la maison, je sais même pas ce que je suis. Ce que vous venez faire ici. Si. Une seconde. Faut juste que je sorte mon petit. Une seconde. Hein. Oh, ce foutoir, mais j'ai tellement de choses, hein. Et jamais une seconde pour. Et en plus, je vois rien. J'ai trois interoccupations. Merci. J'ai trois interoccupations ce soir et j'arrête pas d'avoir des pépins. Oh, te voilà. Oh, pourvu que tu marches. Bon. Alors. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous parlez de. De quoi? Ben de votre spectacle. Hein? On se met là? Si vous voulez, oui. Oui. Ça vous enlèverait de débrancher le téléphone? Non, non, pas du tout. Voilà. Nous sommes toujours en plein milieu, chaque fois c'est pareil. Ah, oui. Bon, alors, c'est quoi alors? Pardon? Votre spectacle? Bah, à votre avis? Bah, une pièce? Oui, mais encore. Écoutez, c'est à vous d'en parler, hein. Bah, vous l'avez vu? Où je fais les interviews, où je vois les spectacles. Je ne peux pas faire les deux, j'ai pas le temps. Bien, bah, vous avez bien raison. Moi, on connaît les choses, mais on en parle. Vous avez bien raison. Moi, je ne critique pas. Bon. J'informe. Ah, bah oui, puis alors pour informer, à quoi bon être au courant? Alors, vous savez qui je suis? Bah oui, évidemment. Oui. Charles Méliès, mais, c'est ça? Mais et qu'est-ce que je fais à votre avis? Vous êtes. L'auteur? Bravo! Bon, ben alors on y va, hein, parce que moi j'ai rendez-vous à 3h au théâtre du gymnase. Bah oui, bah ça écoute. Non, non, je sais, j'étais en retard, c'est de ma faute. Mais ah. Maintenant, faut y aller, hein, d'accord? D'accord. Bon. Alors, vous donnez d'abord le titre, oui. Le oui. Théâtre, oui. Et les interprètes. Et vous racontez le sujet. Oui. Enfin, vous le résumez, hein, rapidement, le pitch. Oui, c'est ça, oui, le pitch, hein? Oui, le pitch, bien sûr, oui. Oui, si vous le permettez, je formulerai d'abord mon opinion sur le niveau culturel de la presse, en général. D'accord, mais bien près du micro, hein. Bien, oui. Je fais un essai. Vous allez parler, vous? Ah, bah écoutez, vous me demandez si gentiment, vraiment. Non, mais après, alors, hein. Lui, 3-4 minutes, vous enchaînez, il fait la conclusion, d'accord? D'accord. Le théâtre, surtout, n'oubliez pas, hein, et les comédiens. On y va? Allons-y, bébé, allons-y. Laissez d'abord. Vous donnez le titre. L'éloignement de Franz Widerbaum. Une seconde. L'éloignement de Franz Widerbaum. Ça marche. Charles Méliès, la première de votre pièce, L'éloignement de Franz Widerbaum, un joli titre, a eu lieu hier soir au Théâtre de la Comédie. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Mais certainement. Un auditeur, même attentif, arrive-t-il encore à faire la différence entre le titre d'une pièce et la marque d'une savonnette? Ici, le problème se complique du fait que les personnages courent précisément le risque de terminer leur existence sur cette terre sous la forme même d'une savonnette. Alors, est-ce un atout pour la pièce? Je me pose la question. Excusez-moi, mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, parce que vous devriez comprendre. Mais c'est ce qui est préférable. Bah, comment pourriez-vous comprendre, vous n'avez pas vu la pièce? D'où il sort, ce journal? Non, mais qu'est-ce qui vous arrive? On enregistre. Mais il paraît qu'à 2h. C'est un copain qui me l'a passé, il travaille au marbre. Soyez gentil, ne parlez pas pendant qu'on enregistre. On Charles, continue? Charles, écoute. La salle est restée silencieuse hier soir, après les dernières répliques de l'éloignement de Franz Widerbaum, de Charles Méliès. C'était le plus bel hommage qu'on puisse rendre à une œuvre d'une rare qualité. Inspirée d'un épisode authentique, la pièce a pour héros un couple de juifs allemands que des amis courageux cachent pendant 3 ans à Berlin en 1938. Franz Widerbaum se découvre un jour atteint d'une maladie cardiaque. À l'époque et dans les conditions où il se trouve, la prochaine crise sera fatale. Si Franz meurt chez ceux qui l'ont abrité, il met leur vie en danger. Comment évacuer le cadavre d'un passager clandestin? Pas d'autre choix que d'accepter l'inacceptable, que de décider l'insupportable. Franz quittera la route, ses amis, et il s'éloignera seul, sans papier, pour mourir seul, dans la rue, dans la nuit. C'est dingue. Tragédie de l'histoire, poème d'amour et d'honneur, on y mesure la grandeur de l'homme sans limite et son ignominie sans limite. Vous n'irez pas acclamer ce texte étonnant. Vous irez l'écouter avec respect et admiration. Son metteur en scène, ses interprètes, l'ont servi avec une fidélité trop rare aujourd'hui. Les pas de Franz Widerbaum s'éloignant dans la nuit de Berlin, inéluctablement, résonneront longtemps en nous. Paul Baraduc. C'est de vous qui parle, hein? C'est de vous? Eh ben dites donc, un article pareil, et dans le journal, vous tenez un succès? Chut, ne dis pas ça. Bon ben alors on y va, parce que moi dans 10 minutes je file, hein. Charles? Charles, tu veux parler? Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Il est tout pâle. Il y a des surprises qui se couvent. Ah ben j'imagine. Il est peut-être malade. De bonne heure. Il s'en remettra. Tenez. Ça va? Merci. Vous voulez que je vous laisse? Si vous permettez, je voudrais réécouter ce que j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi. C'est pas la peine, c'était très bien. Je vous en prie, je vous en prie. Si ça continue, j'y serai demain au gymnase. Un auditeur, même attentif, arrive-t-il encore à faire la différence entre le titre d'une pièce et la marque d'une savonnette? Eh ben c'est très bon, on continue. Non. Préférez qu'on efface ça, qu'on prenne du début, si ça le... Moi, je trouvais ça très bon. Non, mais ce sera encore mieux, puis vous serez à l'heure au gymnase, je vous promets. Hein? Vas-y. Il n'est jamais facile de parler de son propre travail ici, moins qu'ailleurs, je m'explique. Les événements qui m'ont servi à écrire cette pièce sont réels, des gens bien réels ont vécu cette vie difficile et cette mort très, très, très particulière. J'ai écrit l'éloignement de Franz Widerbaum pour raconter cette vie, cette mort, et la grandeur d'êtres obscurs qui ont disparu. Et puis aussi, si c'est possible, pour aider... ça c'est autre chose. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Salat, qui est un metteur en scène qui va au cœur des choses, n'est-ce pas, sans effet inutile. Et d'ailleurs, s'il n'était pas aussi intelligent, je dirais qu'il est un metteur en scène d'instinct. Voilà. Oui. Pour moi, monter cette pièce fut un honneur et un bonheur. Un bonheur parfois difficile, mais un réel bonheur. Pouvez-vous nous rappeler le nom des interprètes? Oui, naturellement, oui. Alors, Madeleine Katz, Pierre Varenne, Paul Colline, Jean Voisin. La pièce s'intitule L'éloignement de Franz Widerbaum. Elle se joue au Théâtre de la Comédie. Merci, Charles Lemélier. Nous souhaitons à votre pièce une très longue carrière. Je crois savoir que cela se présente plutôt bien. Merci, vous êtes gentil. Je vous remercie, vous êtes gentil. Et maintenant, au gymnase. Hein. J'ai même le temps d'avaler un sandwich. Ah, c'est bonne nouvelle, ça. Et excusez-moi encore. Hein. Mais de quoi? Mais mon retard. Mais non, mais l'essentiel, c'est que vous soyez venu. Oui, avec le journal. Hein. Je vous laisse. Voilà, oui, je veux bien, je vous remercie. Merci. Tenez, n'oubliez pas vos documents, voilà. Merci. Voilà. Un petit jour. Hein. J'espère. Merci encore. Merci. C'est pas un mauvais cheval, mais elle n'y connaît rien. Écoute, excuse-moi pour cet internet grotesque, je m'étais préparé à un échec, alors... quand ça vous tombe dessus... Tu réalises un peu. Oh. On voit rien ici, on voit rien, tant tu permets. Et en plus, il fait beau. T'as vu ce soleil? Ah oui, Austerlitz. Ah, attends, et Denise, où est-ce qu'elle est quand elle va lire ça? Denise! Denise! Où tu peux sortir, c'est fini, Denise! Oh, mais, oh mon mimi, regarde la belle critique de ce vieux. Mais quel bonheur, quel... quelle joie, quelle joie. Pour moi, ça pourrait s'arrêter là. J'ai pas écrit pour rien, quelqu'un m'a compris. Quel... Oh, et nous alors? Merci bien. Et nous, mon vieux, nous on compte pas, on compte pas. Moi je passe par des hauts, par des bas, j'aime, je déteste. Je suis un malade. Moi. Et moi alors, j'ai pas aimé ta pièce? Hein? Dès que je l'ai lu, je t'ai appelé. Ah. Tu n'en revenais oui. pas. Oui. Et toi, t'as une subvention, faut bien que tu la dépenses. Et... alors, quoi, tu. Tu lis quelques pièces qui te grisent pas vraiment, alors là-dessus je t'amène la mienne. Ben, tu souhaites qu'une chose, c'est de la trouver bonne. Alors est-ce qu'elle est bonne parce que tu as envie qu'elle soit bonne ou parce que tu penses qu'elle est bonne, hein? Et les acteurs, hein? Non, j'ai rarement vu des acteurs répéter avec autant de bonheur. Ben, oui. Et c'était pas facile. Mais les pauvres chats, tu sais comme je les aime. Les acteurs, souvent, ils ont besoin de travailler, mon vieux. Ils ont besoin de travailler. Pour le plaisir, bien sûr, mais pour bouffer, parce qu'il faut bouffer. Alors quand on leur propose une pièce, si c'est pas une merde absolue, ben, ils préfèrent l'aimer, mon vieux, c'est normal, ça. Hein? C'est normal, c'est humain, puis ça les aide à la jouer. Mais eux, là, eux, ils en ont rien à cirer de mes pièces, ils les montent pas, ils les jouent pas, ils viennent les voir et ils disent j'aime ou j'aime pas. Alors, quand ils aiment pas, j'ai beau me dire que je m'en fous, que c'est des cons, et d'ailleurs, ils n'y connaissent rien, j'arrive pas à me persuader entièrement qu'ils ont tort. Et alors, quand ils aiment? Oh, mais alors là... Là, mais chaque mot, je savoure, mais chaque virgule, mais quelle finesse, quelle finesse des situations, quelle intelligence du texte, oh là là, mon Dieu. Non, tu permets, hein, tu permets. Tu remets ça. Ah oui, oh, oui, c'est ma tournée, là, mon vieux, c'est ma tournée. Dis donc, mon seul regret, c'est qu'ils aient pas cité tout le monde, dis donc. Hein? T'en fais pas un peu, là? Non, pourquoi? Bah écoute, tu parles de la mise en scène, des acteurs... Non, mais j'aurais aimé un mot gentil pour chacun des acteurs, et puis pour toi aussi, pour toi, parce que quand même, si la pièce existe, c'est tout de même grâce à vous, tu sais. Hein? Oh, écoute... Mais il écrit de mieux en mieux, Baraduc, hein, dis donc. Depuis les Foscari, il a fait des gros progrès. Charles, tu sais pourquoi je l'ai monté, ton chef-d'œuvre? Non. Pour les éclairages. Quels éclairages? Les éclairages. Oui. Je me suis dit, cette pièce-là, c'est tout dans les éclairages et dans les mouchoirs. Avec un petit peu de pathos et beaucoup de clair-obscur à la Rembrandt, ça fera la blague. Hein, parce que, tout à fait entre nous, la pièce... Oh, dis donc. Ah, dis donc, et dis donc, dis donc, et si c'était un faux, hein, imprimé uniquement pour me faire une blague, on va en acheter un autre. Il paraît à 14h. Ah, bah alors jusqu'à 14h, soyons heureux. Oh mon Dieu, si ça pouvait marcher en plus, tu te rends compte. On aurait plein de sous. Oh oui, on aurait des sous. Oh, ça, voilà, Denise, enfin, elle avait oublié ses clés. Voilà. Comment c'est toi? Eh ben, mais je ne t'attendais pas, mais ça fait plaisir, quel bonheur de te voir. Allez, rentre, viens. Voilà. Bonjour, monsieur. Alors, vous vous connaissez? Ben non, pas du tout. Alors, Michel, mon metteur en scène, Nina, ma fille, voilà. Bonjour. La grosse tête de la famille. Ouais, tu ne commences pas. Ben, dis donc, ben, pour une fois qu'on peut être fier de sa progéniture, je ne veux pas me gêner, tu sais. Moi, c'est vrai, je suis fier de toi, belle, sérieuse, intelligente. Arrête, papa. Hein, ben, regarde-moi, toi, dis donc, oh là là, mais tu nous as mis du bleu sur les paupières, mais du bon. Ça fait longtemps. Ah oui, ben dis donc, ça te vieillit d'au moins 3 semaines, ça. Alors, ça va? Comment ça va? Tu es heureuse? Comment va la vie? J'ai des examens à la fin du mois. Faut pas m'en vouloir pour hier soir, le mercredi, j'ai des TP, impossible de les sécher. Bah, mon chéri, mais tu plaisantes, c'est ton travail qui compte. Alors dis-moi, tu voulais voir ta mère, c'est ça? Non. Eh ben heureusement, parce qu'elle est disparue, ta mère. Ça, nous l'avons appelée sur tous les tons. Nada. J'ai même pas vu partir, je t'ai occupé avec une journaliste. Enfin, tu sais ce que c'est, quoi. Tu viens pas voir maman? Non. Je suis venue parce que je... Parce que quoi? Je suis venue pour te... Pour me demander comment ça s'est passé hier. Oh mon chéri. Oh mon poulet. Oh ça me fait plaisir, ça me... Oh, c'est vrai, je n'aurais jamais cru, mais ça me touche. Tu peux pas, ça, mais quel con je suis. Mais quel con. Moi, tu m'imaginais qu'elle m'oubliait, qu'elle s'en foutait, qu'elle me méprisait. Ben oui, mais c'est de ta faute, mon chéri. Tu me parles jamais, alors. Je parle tout le temps. Tu crois? Oui. Ou alors tu t'énerves. Oui. L'autre jour, je t'ai dit bonne chance, tu m'as engueulé. Oui. Tu m'as dit que ça portait malheur. Ben, mon chéri, ça porte malheur. Ça porte malheur. Ça, il faut dire merde et faut jamais répondre merci, hein. Mais c'était pas une raison pour m'engueuler. Ben, je te demande pardon, je le ferai plus, mon chéri, je le ferai plus. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, pas trop mal. Il semblerait. Enfin, en tout cas, mieux que les fausses caries, tu sais. Ah, les fausses caries. Tu te souviens, les fausses caries? Ah, ben non, tu peux pas t'en souvenir, toi, tu l'as pas vu, hein. Pourtant, j'y suis allée. Où ça, au Foscari? Oui, mais c'était trop tard. La pièce était finie depuis la veille. Oh mon Dieu. Oh. Eh ben écoute, cette fois-ci, tu viens quand tu veux. Avant la dernière, si c'est possible. Hein? Tu dis que t'es ma fille, ça suffira. Il meurt d'envie de vous lire sa première critique. Allez, vas-y. Ben, quel intérêt, franchement, alors, tu sais. Hein? Elle est bonne? Elle est dithyrambique. Donc, elle est dithyrambique, voilà. Mais reste pas planté comme ça. Hein? Viens t'asseoir, là. Allez, reste pour déjeuner qu'on bavarde un petit peu. T'as pas envie? Qu'est-ce que tu dis de passionnant, là? Alors, de l'importance des traités, rapport à l'Institut de droit international. Bigre. C'est pour mon UV. Oui, ben ça, je me doute bien que c'est pas pour ton plaisir. Ça m'intéresse. Ah oui, bah oui, ça c'est les mystères de l'hérédité. Hein, mais de qui peut-elle bien tenir ce chromosome affamé d'érudition, hein? Je vois bien que ton grand-père, mon chéri. Oh, le cher homme. Alors, tu pars? Oui. Déjà? Je regrette. Mais qu'est-ce que tu as brusquement, mon petit chéri? Pourquoi tu te parles? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas venue. Bah, elle est comme moi, mon vieux. La moindre émotion est craque. T'as vu moi tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a, Vanille? Qu'est-ce qu'il y a? T'as des ennuis? Je peux faire quelque chose? Rien. Alors, mais tu manges suffisamment? Faut manger à ton âge, tu sais. Oui, papa. Bon, alors écoute, allez, alors, décidons d'un soir pour dîner. Et puis, Pierre, quand est-ce que tu nous l'amènes, alors, celui-là? Dès que possible. Dès que possible. La honte de ses parents, mon vieux. Au revoir, monsieur. Au revoir, Michel. Alors, écoute, tu files, mais tu restes pas des années sans nous donner tes nouvelles. Oui, je te promets. Allez, au revoir, mon petit chou, au revoir. Elle est charmante, ta fille. Oui, elle est charmante. Elle est un peu pressée, enfin. Quand même bizarre qu'elle y soit allée le lendemain de la dernière, franchement. Où ça? Au Foscari, c'est un acte manqué, ça, non? Hein? Dis donc, je suis quand même étonné, là, j'avais demandé à Maurice de m'appeler chez toi, il a dû oublier, hein. Et moi, j'ai peut-être envie un peu de sortir. Alors, tu veux pas qu'on aille un peu se déborder? Mais non. Et Denis, je voudrais pas la rater. Mais moi, ce qu'elle s'y fout. Alors, ça m'exaspère. Elle a le don de se volatiliser. Elle t'a rien dit avant de partir, non? Non. Bah, alors, elle a dû aller acheter des journaux. Je sais pas. Bah, oui, ou alors faire des courses, non? Oui, bah, non, elle aurait pris un cabas, toi. Ah, non, elle a pas pris de cabas. Tu sais, elle semblait un peu préoccupée pour son père. Elle t'en a parlé? Vaguement, oui. Quand? Tu étais en train de t'habiller. Oui, enfin, il a des problèmes de tension. Enfin, à son âge, c'est relativement banal. Enfin, comme il n'en fait qu'à sa tête, alors. Non, mais c'est un homme délicieux, d'ailleurs, délicieux. Professeur de latin grec à Condorcet pendant 35 ans. Ouais. J'aurais bien aimé qu'il soit dans la salle, lui, hier. Pendant l'occupation, il disait Héraclite à ses élèves. Le peuple doit combattre pour ses lois comme pour ses murailles. Il y a des côtés complètement farfelus. Enfin, un soir, il était sorti, il me laisse un mot sur la porte, la clé est sous le P. 3 points. Bon, écoute, c'est pas tout ça, mais moi j'ai rendez-vous, hein. Je suis obligé de t'abandonner, là. Bah, alors tout le monde me lâche, alors. Non, mais écoute, trouve-toi une babysitter. Ah, mais non, je t'ai rien à faire à boire, on va fêter ça, qu'est-ce que tu veux boire? Si tu me prends dans les sentiments, oui. T'as un petit Bordeaux. Mais oui, sûrement, ma femme adore le Bordeaux. Dis donc, j'ai comme un petit creux, moi. Oui. Il doit y avoir du fromage, il y a du fromage, là, ça te va? Oui, comme un gant. Allez, tiens. Voilà, regarde ça, regarde. Allez, on va trinquer à l'art dramatique. Allez. Alors, dis donc, t'as commencé en culotte courte, toi, j'ai lu ça dans les gazettes. Ah. Hein? Eh oui, tu sais, la première fois que j'ai mis les pieds dans un théâtre, c'était à la Comédie Française. Ça me semble dingue. C'était pas ça. Ah, oui. Un copain avait eu des billets, et c'était... Ah tiens, son nom me revient. Bourguignon, oui. Mm-hmm. C'était un dimanche après-midi, en matinée. Ah, oh, il faisait un temps de printemps magnifique. T'étais à quel âge? 10, 11 ans, peut-être. Eh bien, tu vois, depuis, chaque fois que je rentre dans un théâtre l'après-midi pour répéter, j'ai toujours la même impression. Dehors, le ciel bleu, le soleil, les passants, une porte à double battant. Et là, c'est la nuit, les lumières, les cris, le silence, une vie parallèle. Ailleurs. Allez, hein? Allez, allez. À la vie parallèle. À la vie parallèle. Allez, goûte-moi cette mozza. Elle arrive de Naples directement par avion. Pas pour me vanter, mais mon vieux, mais elle est pas dégueulasse. Hein. Tiens, tiens, allez, allez, à la tienne, voilà. Oh, j'ai eu de ces envies de t'embrasser. Mais je crois que je vais éclater, mon vieux. La grosse tête, alors, hein? Non. Non, non, non, le bonheur. Ouais. Tu vois cette dame qui sourit avec des plumes sur son chapeau, là? Là. Là, là. C'est à cause d'elle que j'ai écrit la pièce. Qui est-ce? Ma fausse grand-mère. T'as quoi? Ma fausse grand-mère. J'ai été élevé par la mère de mon père, ma grand-mère Louise. Tiens, elle est là, tu vois, elle est avec une ombrelle et un chien papillon. Oui, alors, le petit joufflu, là, c'est toi? Oui, c'est moi. Ouais. T'as vu, je fais la gueule. Eh oui, déjà. Alors ma grand-mère Louise, elle est morte brusquement au début de la guerre. Mon grand-père s'est remarié assez vite, avec une Alsacienne, Gertrude. Lui, il l'appelait Trudy, et moi ma fausse grand-mère. J'avais adoré la vraie. Gertrude était grasse, elle avait les mains moites, je détestais ça. Sur son accent aussi. Elle parlait fort. Mais... Tout le monde l'aimait. Puis un jour, elle est partie en zone libre avec mon grand-père. Et quand elle a voulu m'embrasser, j'ai détourné la tête. Et alors, mon père m'a donné une gifle. Et puis 6 mois plus tard, elle était prise dans une rafle à Nice. Plus personne n'en a jamais entendu parler. À 5 ans, ça ne veut pas dire grand-chose, un bout d'étoffe jaune en forme d'étoile cousue au revers d'un manteau. Alors voilà, quoi, je les ai... Je les ai mises l'une à côté de l'autre. La vraie, la fausse. Il y a une chose que je n'ai jamais réussi à trouver, jamais. J'ai cherché partout, dans tous les livres. La petite note au bas d'une page. Les 5 lignes qui racontent la mort de Franz Widerbaum. Elle existe, hein, je l'ai lu. Introuvable. Les années ont passé, puis un jour, je suis tombé sur la photo du petit garçon avec la casquette trop grande qui lève les bras devant les fusils des soldats. Et alors j'ai repensé à Franz Widerbaum, à ma fausse grand-mère, au petit garçon qui n'avait pas voulu l'embrasser. À ta pièce. La prochaine sera plus rigolote. Tu y penses déjà? Ah non, tu plaisantes. Non, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Ouais, et pourquoi pas, hein? Tu sais, moi en ce moment, ce qui me plairait, tu vois, c'est de travailler avec un auteur mort. Tiens, attends, ça y est, voilà Denise, enfin. Ah. Voilà! Ah, monsieur le jeune! Eh ben, rentrez, je vous en prie! Bonjour les jeunes, entrez. Je suis venu vous embêter. Ah bah pas du tout, voyons pas du tout. Bonjour monsieur. Bonjour. M'arrivez pas de vous déranger, mais il fallait que je vous explique. J'ai dû vous paraître un peu agité tout à l'heure. Pas tellement, non. Je sentais bien que j'étais pas dans mon assiette quand même. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Bah c'est le jeune. Merci. Ma femme, elle dit que j'aurais dû écouter mon horoscope. Aujourd'hui, c'était éviter de céder à votre premier mouvement qui est rarement le bon. C'est clair, non? Limpide, oui. Ma femme, il n'y a que ça qui l'intéresse. Les astres. Hein. Au début, j'avais de la méfiance, quoi. Forcément, c'est tellement bizarre. Hein. Ça vous tombe dessus comme ça. Moi, j'essaie bien de me raisonner, mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Je suis bélier. Et voilà. Et le bélier, ben, quand ça lui prend, c'est hop, comme ça. Moi, je décide que mon tuyau doit passer par votre salle de bain. Il faut que ça soit fait dans la minute. Hein. Sinon, moi, j'éclate. Enfin bon, pas chez vous. Oui, non, pas chez moi, si c'est possible. Non, quand même. Mais non, si t'es rentré, regarde l'explosion. Ma femme, elle est cancer. Hein. Le cancer, c'est doux, comme ça, c'est patient. Que ça oui, alors, moi, je n'y connais absolument rien. Là, moi, à ce qu'il paraît, j'ai le soleil en bélier au carré de Mars. Oui, c'est très bien. Et ma femme, elle est cancer avec ascendant balance. Oui, alors. Comment voulez-vous qu'on s'entende? Oui. Il y a des heures, forcément. Ah, oui, forcément, oui, c'est oui. Oui, seulement, qu'est-ce qu'on y peut, alors, c'est ça. Il n'y a rien. Absolument rien. Ça se fait dans les astres. Non, le malheur, c'est qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer, quoi. La pauvre. Non. Ce qui m'aurait convenu, moi, c'est un scorpion. Ah oui. Enfin, ce qu'ils disent, hein. Bah oui, je suis désolé. Vous êtes quoi, vous? Oui. Moi? Votre date de naissance? Début mai. Oh! Taureau! Je l'avais parié. Ça, c'est votre figure. Aïe. Oui, ça, c'est votre figure, le taureau. Ah oui. Moi, c'est ma femme qui va être contente. Hein. Taureau. C'est bon, ça. Le caractère égal, toujours de bonne humeur, calme, affectueux. Un plaisir pour son entourage. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Et alors là, vous avez mis, mais alors dans le mille. Hein. Bon, ben, vous savez, là, c'est pas moi, c'est les étoiles. Ouais, oui. Bah, vous les remercierez de ma part, là, monsieur le jeune. Voilà. Excusez-moi, nous étions en train de travailler. Ah, le taureau et bûcheur. Je me sauve, mais si des fois vous aviez une minute pour penser à mon tuyau. Ah bien, oui, le tuyau. Bah, écoutez, si votre plombier peut venir me voir demain matin, en fin de matinée, là, s'il peut m'assurer qu'il y aura des dégâts minimes. Bah oui, mais enfin écoutez, mais quels dégâts? Oui. C'est un petit tuyau comme ça, qui court au plafond. Oui. Mais vous ne vous en apercevrez même pas. Oh ben non, on ne regarde pas en l'air toute la journée. Mais c'est... Surtout vous. Ben, un taureau. Il y a autre chose à penser, là. Oui, justement, monsieur, voilà. J'ai déjà abusé, hein. Je me saoule que si des fois, vous aviez une minute, hein, si des fois, eh bien voilà, oui. Je m'en vais. Oui. Merci. Voilà. Monsieur. Au revoir, monsieur. Et alors, à bientôt. Oh, certainement, j'habite au-dessus. Allez, voilà. Allez, au revoir, monsieur le jeune. Mes amitiés à votre dame. Bien entendu, voilà. Également, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Oh, j'ai pas très bien saisi son propos. Il s'agissait de quoi? D'astrologie, de plomberie? Il s'agissait de ce que les étoiles pensent de moi. Prends-en de la graine, mon Dieu. Alors, dis donc, c'était gentil, ce petit souper? Hein? Très, oui. Ouais. Nous avons beaucoup parlé de toi. Ah, mais, qu'est-ce que tu disais? Non, pour te regretter. Non, mais... j'aurais pas pu, sincèrement. Vous étiez nombreux? Non, juste nos femmes, nous, Odette, Madeleine, son mari. Oui. Voilà. Elle est mariée, Madeleine? Ah, écoute, ils étaient séparés depuis des lustres, mais là, j'ai comme l'impression qu'ils ont remis le couvert. Ah oui, hein. Dis donc, j'ai quand même envie d'appeler chez ma belle-mère, moi c'est quand même bizarre. Oh merde, j'ai oublié de raccrocher tout à l'heure, après la journaliste. Oh, bah dis donc, je pouvais attendre le coup de fil de Maurice, moi. Alors, vraiment. Oh. Allô? Ah, Maurice! Hey! J'ai débranché! Ouais, pour une interview. Ah bah tu parles, si je l'ai lu, tu veux que je te le récite? Vous irez écouter avec respect, admiration. Comment? Oui? Déjà? Bon, ben dis donc, croisons les doigts, hein. Oui. Oui, il est là, je te le passe. Oui, Maurice, merci pour la cravate, hein. Merci pour la cravate, hein. Allô, Maurice? Oui, en pleine forme, tu penses? On pourrait pas rêver mieux, hein. Oui. Ah bon? Oh, formidable, dis donc. As-tu... Formidable, très bien. Bravo, Maurice, oui. Et oui, je l'ai reçu ce matin, hein. Je la lis, on en parle. Oui, de toute façon, à 15h, hein, ok. Allez, je t'embrasse, à tout à l'heure, hein. Salut, Maurice. Qu'est-ce que vous faites à 15h, là? Bon, un projet qu'on a ensemble. Oui, bon, dis donc, ça y est, ça part, la location démarre fort. Ah, ben oui, il est comme un fou, hein, il va mettre de la pub dans tous les journaux. Mais t'inquiète pas pour Maurice, tu sais. La publicité, ça le connaît, hein, oui. T'inquiète pas pour lui. Allez. Bon, occupé. Alors ça, ma belle-mère est une des personnes les plus bavardes du 14e arrondissement. Bon, alors maintenant, ça sonne, ça répond plus. Alors, c'est tout de même bizarre, ça. Elle a dû raccrocher, puis elle est sortie. Écoute, c'est pas... Allô? Ah, non, monsieur. Ah, non, monsieur, c'est une erreur, monsieur. Non. Voilà, non, mais je vous en prie, monsieur, vous n'êtes pas le premier. Voilà, oui. Non? Il doit y avoir un mauvais raccord au central, nous l'avons signalé, voilà. Mais je vous en prie, monsieur, ça ne m'a pas dérangé du tout, voilà. Non, pas du tout. Passez les réclamations, vous arriverez peut-être, voilà. Mais je vous en prie, vous rappelez quand vous voulez, monsieur. Et bon appétit quand même, voilà. Au revoir. La Traviata. Elle a la vie chevillée au corps, oui, la Traviata. Oh, Denis, mais où étais-tu? Mais écoute, j'arrête pas de te chercher. Je te cherche partout, j'appuie chez ta mère. Ça répond pas, ça sonne tout le temps occupé. J'essaie de te parler tout à l'heure, mais tu étais en pleine interview. Non, je te demande pardon, je t'ai même pas vu. Tu sais, quand on est dans son truc, je te demande pardon. Oui. Hein? Mais alors, tu disparais au moment. Denise, lisez ça. Regarde. Là. Bon, je te laisse. Oui. Je vais dire à Doudou de remonter un petit peu les lumières. Quand à Madeleine, ne t'inquiète pas. Laisse tomber. On ne peut pas juger sur un soir. Ne dramatisons pas. Hein. Madeleine est une merveilleuse comédienne. Oui, de toute façon, ça va se resserrer. Elle ne pourra plus sortir ses violons. Rassure-toi. Bon, à tout à l'heure. Tiens. Salut. Oui. C'est fantastique, non? Fantastique. Encore? Oui? Ah, Madeleine! Mais nous parlions de vous, justement. Quelle joie de vous entendre, oui. Oui. Vous l'avez lu? Formidable. Oui. Comment ça, je vous ai rien dit? Mais c'est très mal, ça, écoutez... Oh non, mais il ne faut pas m'en vouloir, Madeleine. Vous savez, j'étais dans un tel état. Vous avez été merveilleuse, Madeleine, merveilleuse, mais vraiment. Alors, vous apportez à ma pièce une vérité, une émotion. Elle vous doit beaucoup. Mais je ne vous le dirais pas si je ne le pensais pas, Madeleine. Vraiment. Mais avec joie. Avec joie, quand voulez-vous? Ce soir? Eh bien, je passe vous embrasser, en tout cas. Voilà. Alors, à ce soir, voilà. À ce soir, Madeleine, voilà. Au revoir, Madeleine. Ouf! Enfin, un peu de calme, mon Dieu. Tu avais débranché tout à l'heure? Avec la journaliste, bah, tu parles, sinon... Et tu me regardes bizarrement? Tu l'as commencé quand, cette pièce? Pourquoi? Il va y avoir 2 ans, non? Oui, à peu près. Nous avions passé 8 jours avec tes parents à Rome. À Rome, oui, oh, délicieux. Oui. 2 années d'angoisse, d'inquiétude, de doute. Je t'écoutais parler avec Madeleine. Souriant, détendu, courtois, charmant. Alors, je te demande pardon. Ouais, je me suis laissé submerger, j'étais persuadé que j'y arriverais jamais, tu sais. Oh, moche. Nous pouvons attendre la suite avec plus de calme. Oui. Tu sais, quand j'ai lu cet article, tout de suite, mais tout de suite, j'ai pensé à toi, mais tout de suite, à ta joie, à ton soulagement. Je t'attendais avec une impatience. Tu sais, moi, mon bonheur, c'est quand tu le partages avec moi. Alors voilà, je suis... Voilà, je suis heureux. Alors, écoute, on reste 8 jours à boire du petit lait, et puis après, je t'enlève. Voilà, dès que ça aura démarré un petit peu, évidemment. Mais après, je t'enlève à la mer, au soleil, je serai détendu, et courtois, et souriant, et charmant. Hein? S'il te plaît, laisse-moi. Qu'est-ce que tu dis? Sois gentil. Laisse-moi maintenant. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis fatiguée. Mais de quoi? Je peux pas. Je peux plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu peux rien. L'incertitude, la peur, ça fait partie de ton travail. Mais c'est fini tout ça, c'est du passé. Du passé, oui. Où étais-tu? Hein? Denise? Depuis 2 ans, j'ai plongé dans tes souvenirs, et dans tes livres, et dans tes remords, et dans tes problèmes. Moi, j'étais là. Et c'est comme si tu étais seule, sans les inconvénients de la solitude. Ma fille a grandi. Mes parents ont vieilli et pendant 2 ans, je n'ai pensé qu'à toi. Je n'étais occupée que de toi. Comment va ton père? L'été dernier, j'avais loué cette grande maison pour qu'il puisse venir nous rejoindre tous les deux. Tu m'as dit que ça t'empêcherait de travailler, alors j'ai inventé n'importe quoi, qu'il n'y avait pas la place, que j'étais souffrante. Et on est resté seul, avec ton travail. Tu ne m'as pas répondu. Jeudi dernier, nous devions déjeuner ensemble, tous les deux. En camarades, comme il disait, c'était son plaisir. Et puis tu m'as demandé de venir aux répétitions, tu étais inquiet. Je lui ai téléphoné au dernier moment. Je me suis décommandée. Il m'a dit qu'il comprenait très bien. Il comprenait toujours. Et moi, j'ai rien compris. J'ai pas vu qu'il était fatigué. J'avais dans la tête que ta pièce, tes répétitions, tes problèmes, tout ce qui me semble dérisoire à présent. Enfin, écoute, Denis, si ton père est fatigué, si... S'il vieillit, c'est pas de ma faute. Ça me fait de la peine. Je suis pas coupable. Je t'accuse pas. Mais moi aussi, je me faisais une joie de le voir cet été. Ces longues soirées passées à boire, à refaire le monde, c'était... Bon, il fallait que je la termine, cette pièce, j'y arrivais pas. Tu comprends, j'étais bloqué. Si je n'avais pas fini cet été-là, je l'aurais abandonné. Tu comprends? Je sais. Je dois protéger mon travail. C'est pas toujours facile. C'est vrai. Papa a eu un malaise. Il est en réanimation. Quand Nina m'a téléphoné tout à l'heure, elle était chez eux. Ah, avant que la journaliste... C'était pour m'apprendre qu'il était tombé, qu'il pouvait plus bouger, qu'elle avait appelé police secours. J'essayais de te le dire, mais... Oui. Je suis arrivée en même temps qu'eux. Il était par terre dans son bureau, immobile, les yeux ouverts. À côté de lui, un vase renversé, de l'eau partout, des fleurs, ses vêtements mouillés. Comment est-ce arrivé? Il manquait d'air, aller vers la fenêtre pour respirer. Maman a entendu un grand bruit, elle s'est précipitée. On l'a transporté à l'hôpital tout près d'ici, hein, à Cochin. C'est Nina qui s'est occupée de tout. Oui. Dans ce vacarme de sirènes, de brancards, d'ambulances, j'ai béni ma chance. Là, dans ce désastre. Ma chance d'avoir une fille. Enfin, elle est passée tout à l'heure, elle m'a rien dit. Je sais. J'avais pas à joindre, c'était tout le temps occupé. J'avais tellement besoin. Alors je lui ai demandé de te prévenir, je voulais rester avec papa. Et quand elle t'a vu si heureux, si détendu, elle a pas osé te parler. Elle est venue me rejoindre à l'hôpital. Mais ils n'ont pas voulu qu'on reste. Ils nous ont demandé de venir ce soir après les examens. Voilà. Pauvre Charles. La journée a été rude. Tu as d'abord été malheureux. Puis ça s'est arrangé. Ta pièce va marcher. Je touche du bois. Tu vas être aimé, estimé. Les acteurs seront contents. Le public aussi. J'en suis très heureuse, c'est vrai. J'étais injuste tout à l'heure. Pardonne-moi. Mais de quoi ? D'accuser ton travail. C'est difficile à admettre un malheur dont personne n'est coupable. Maman lui avait raconté la soirée d'hier. Il était fier de toi, tu sais, il t'en parlait peu, mais... Je ne l'ai pas vu s'éloigner. Quand je suis arrivée, il était déjà hors d'atteinte. Dans l'ambulance, il gardait les yeux fixés sur moi. Je lui parlais. J'ai pas arrêté de lui parler pendant tout le trajet, comme pour le retenir à la surface par le son de ma voix. Est-ce qu'il me comprend? Il me regarde. On parle si peu avec ceux qu'on aime. Après, il est trop tard. Si vite. Je vais rester quelques jours avec maman pour qu'elle ne soit pas seule. Tu veux que je t'accompagne? Non, elle a besoin de calme. Les médecins m'ont donné de vagues explications. Les dégâts cellulaires risquent d'être très graves. Ce qui va s'améliorer, ce qui était récupérable, personne ne sait. Il faut attendre. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Il n'y a rien à faire. Qu'attendre? Je ne peux pas t'aider. Il ne faut pas m'en vouloir. Tu vas rester longtemps? Je ne sais pas. À quel heure je peux t'appeler pour prendre des nouvelles de Jean? Je voudrais le voir. Appelle-moi ce soir, quand je rentrerai de l'hôpital. Je te sens si loin. Je suis près de lui. Tu me dis pas au revoir? Autour de toi, il y a tout ce bruit, cette joie. Et tant mieux. Moi aussi, je suis fière. Et si je restais, je gâcherais tout. Je t'aime, tu sais. J'ai du vague à larmes. Comme disait Nina la première fois qu'elle nous a quittés. On sait jamais. Et Miquette? Tu dois pouvoir te servir d'un ouvre-boîte. Oui, je dois même pouvoir faire la conversation avec mon rond bifolia. Oui. Alors tu pars? Je suis pas loin. J'avais débranché. Oui, je l'ai lu. Très heureux. Oui. Voilà, on laisse passer quelques jours, on se rappelle. Voilà. Merci d'avoir appelé. Merci.